Voici Guillermo Guise. Ça va les amigos? Oui. Hola. Ouais, je suis malade. Christian. Non, c'est pas. Dites, les amis, il y a pas longtemps, j'ai un t-shirt, on est en hiver. T'es à moitié à poil. Laissez-moi. Laissez-moi. Il y a pas longtemps, j'ai croisé Laurence Bloch, la patronne d'Inter, qui me disait Ernesto, c'est bien les chroniques sur ta bite, on adore et tout. Allez, il y a encore moins 2 cm dont t'as pas encore parlé. Ceci dit, moi j'aime bien quand tu parles de science. Et je lui dis quoi, c'est l'étude sur l'augmentation des cas de sida chez les plus de 50 ans qui vous inquiète, Laurence? On en trouvera d'autres, des auditeurs. Elle dit non. Pas du tout, c'est juste que la science, si toi t'en parles pas, qui va en parler dans cette émission de mangeurs de foin? Daniel Morin? Lol. Nagui? Allez, arrête tes conneries. Donc, je vais vous parler de science ce matin, les amis, parce qu'une fois de plus, dans la série Homo sapiens, sapiens donne envie de crever dans une annexe de la fistinière, j'ai nommé les éléphants d'Afrique qui, de plus en plus, naissent naturellement sans défense. Et je peux vous dire que des éléphants qui naissent sans défense, si j'étais Raymond DeVos, je vous en ferai une chronique complète, je lâcherai rien jusqu'aux infos. Nagui ferait les midi, Laetitia Gaillet va vous informer, je ferai elle va rien informer du tout celle-là, j'ai pas fini. Les éléphants d'Afrique naissent sans défense, leur défense c'était leur arme de défense. Même s'ils n'ont plus de défense, c'est aussi pour se défendre. Faut se rappeler que c'était ça l'humour en 78, hein, c'est vrai. Moi je veux bien que tout était mieux sur Giscard et tout, qu'un litre d'essence a coûté le prix d'un tic-tac, mais bon, on a la mémoire courte quoi. Bref, les éléphants ils sont tellement braconnés en fait que naître sans y voir ça leur permet de survivre et de se reproduire quoi, quelque part c'est ouf, non? Il y a des esturgeons qui ont vu ça et qui ont fait ah, tiens, bonne idée, tiens. C'est quoi à la place du caviar, on va taper des œufs de Pâques dans l'utérus de nos meufs. Des vacances, hein. Le problème, c'est qu'un éléphant sans défense, en fait, physiquement, c'est quand même bien chelou, quoi. On dirait genre Noël ma mère sans moustache, tu vois. Il n'y a plus la magie. Et Noël ma mère sans moustache, il ressemble à Faudel, faut le savoir. Hein. Ça change un visage et une stache, tu vois. Genre, tu mets une stache à Juliette Binoche, c'est genre Rochefort, quoi. Il faut le savoir. Hein. Et on se marre parce que c'est l'humour 2018, etc. Et qu'il nous en faut peu pour être heureux ici. En attendant, cette mutation génétique, bizarre, elle se perpétue, en fait. Parce que dans la transmission de l'ADN, les éléphants sans défense, ils ont un avantage comparatif sur les autres. C'est ce qu'on appelle le darwinisme artificiel. Enfin, je vous expliquerai bien les principes de la génétique et tout, mais on va encore dire que je vole la vedette. J'en parlais avec Axel Kahn qui me disait c'est tout le temps pareil, nous les hommes de science on sent toujours les saltimbanques de la lumière et ça se retourne contre nous, on n'en fait pas trop sur la génétique. José Garcia et Jean-Paul Rouve sont là pour leur film, laisse-les, tu vois. Ils ont un beau projet, ils sont contents de le présenter. Donc je vais pas en faire trop, mais c'est vrai que j'ai dit pas de problème Axel, je me suis juste demandé avec quelle mutation génétique j'aimerais que mes futurs enfants naissent si Leila se décide enfin à accepter l'inéluctable, c'est-à-dire créer un foyer stable avec un belgo péruvien à l'élocution pleine d'incertitudes, mais doté d'un nombre de globules rouges, allez, somme toute correct. Mais nos enfants Leila, s'il devait avoir ne fût-ce qu'une mutation génétique qui les protégerait du monde cruel dans lequel ils naîtraient, ce serait quoi? Et ne me dites pas un gène qui permettrait de se fournir en poppers gratuitement, ça, c'est pas un vrai gène Leila, c'est pas un vrai gène. Notre enfant, il faudrait qu'il ait un gène qui résiste à la pollution, à la chaleur, un gène qui résiste à la folie des hommes. Et si j'étais Patrick Bruel, je vous ferai la fin de cette chronique là-dessus. Un gène qui nous protège de la folie des hommes. Bref, Leila, je crois que c'est pas encore pour tout notre enfant. Allez, bonne émission, les amis.